La plupart du temps, et d'une certaine manière c'est plutôt logique, les accidents surviennent près de chez soi et sur un trajet connu. Pourquoi? Tout simplement parce que près de chez soi, on est sur un trajet généralement connu et que dans cet environnement dont on a l'habitude, l'attention se relâche dans la mesure où on se sent en sécurité. Sur le lieu des vacances, on est en terrain connu, où on accède par des routes elles aussi inconnues, et dans ce cas, on prête davantage attention à l'environnement et on est plus concentré sur la conduite. Statistiquement, le risque d'avoir un accident est plus probable près de chez soi et sur un trajet connu. Réponse A et C.